إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه جلسة أخرى حول أعظم الحقوق وأساس الحقوق كلها، ألا وهو حق الله على عباده عز وجل. وبتحقيق هذا الحق يحقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، وبتضييع هذا الحق يضيع الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله. سي نوتخ سيز فريون الله عز وجل autour de ce géant droit qui est la fondation des fondations qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en accomplissant ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on accomplit son attestation, ni digne d'être adoré qu'Allah. Et en négligeant ce droit, on néglige son attestation, qui est le fait d'attester ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. التوحيد مفزع الأعداء ومفزع أولياء الله. أعداء الله يفزعون إلى التوحيد، أولياء الله يفزعون إلى التوحيد. ابن القيم رحمه الله تعالى يدل مونوتيسم، سدواب الله سبحانه وتعالى جيون سي لا voie vers laquelle se réfugie les ennemis d'Allah et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. أعداء الله إذا فزعوا إلى التوحيد نجاهم الله سبحانه وتعالى من كرب الدنيا ومن شدائدها. يدي حفظ الله تعالى كنت أسيزين من ستدير لزين من الله سبحانه وتعالى كنت الشغو فجي فيغ المونوتيسم. Allah subhanahu wa ta'ala les soulage des difficultés de ce bas monde et de la dureté de ce bas monde. وَيَأْتِي بِالدَّلِيلِ وَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ملي تيقفتو يخرجوا قاع البحر تتزير عليهم تيخلصوا الدين ديالهم لله سبحانه وتعالى، فتيطلبوا من الله سبحانه وتعالى فتينجيهم. ملي تيخرجوا للأرض تيشركوا بالله سبحانه وتعالى. إي غامل لا بروف. Il est dit dans le verset, quand ils prennent le large, ils prennent leur bateau, etc., ils prennent le large, ils sont dans des difficultés, ils accomplissent, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, et ils accomplissent la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de la détresse et des difficultés dans lesquelles ils se sont retrouvés, et une fois qu'ils sont sur la terre ferme, ils lui font des associés. Là, tu vois que le monothéisme sauve même l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est dans la difficulté, il se réfugie vers le monothéisme, il revient vers le monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala le sauve dans ce bas monde. Wa amma awliya'uh fayunajjihim bihi min kurubati dunya wal akhirah wa shada'idha. Awliya'ullah kadhalika yunajjihum Allah subhanahu wa ta'ala من كرب الدنيا وكذلك من شدة الآخرة وكرب الآخرة. كنت زليد الله سبحانه وتعالى لمونوتيست Allah subhanahu wa ta'ala, il les sauve des difficultés de ce bas monde et des grandes difficultés dans le delà. ولذلك يقول رحمه الله ولذلك فزع إليه يونس عليه الصلاة والسلام فنجاه الله من تلك الظلمات ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت ها يونس عليه الصلاة والسلام فزع إلى التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلجأ إلى التوحيد فنجاه الله سبحانه وتعالى من الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض يلدي رحمه الله تعالى سي بوغزا يونس عليه الصلاة والسلام سي غوفوجي دون المونوتيسم الله سبحانه وتعالى اللي زا سوفي دي تنبغ لي تنبغ دو فونتر دو بواسون اي لي تنبغ دو لا مير إلا سوفي إلا دي كوا لا إله إلا الله ني دين ديتر أدوري كو توا يا الله Gloire à toi, j'étais parmi les, je suis parmi les injustes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Wa fazi'a ilayhi atba'u ar-rusul. Fanujju bihi mimma 'uddiba bihi al-mushrikuna fi ad-dunya wa ma a'adda lahum fi u'idda lahum fi al-akhirah. Ay atba'u ar-rusul, lamma tabu'u ar-rusul wa haqqaqu at-tawhid, najjahum Allah subhanahu wa ta'ala من العذاب الذي أصاب المشركين في الدنيا وينجيهم كذلك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى مما سيلقى المشركون العذاب الذي سيلقاه المشركون يوم القيامة et les disciples et ceux qui ont suivi les messages عليهم الصلاة والسلام se sont réfugiés dans le monothéisme ils ont accompli le monothéisme الله سبحانه وتعالى il les a sauvés du châtiment qu'ont subi les associateurs dans ce bas monde et les sauvera aussi dans le delà du châtiment qui est réservé aux associateurs. Donc ils sont sauvés deux fois. Par quoi ils sont sauvés ? Par le monothéisme, par le fait d'avoir accompli le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le monothéisme te sauve dans ce bas monde, et sauve aussi dans le delà. Donc c'est pour ça qu'il faut lui donner son importance. C'est pour ça qu'il doit prendre la plus grande part de notre vie. Il faut l'accomplir. Le monothéisme, ce n'est pas quelque chose que tu apprends et tu mets de côté et tu vas apprendre quelque chose là. Le monothéisme doit te suivre dans toute ta vie, dans tous les actes que tu fais. وَلَمَّا فَزِعَ إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْهَلَاكِ وَإِدْرَاكِ الْغَرَقِ لَمْ يَنْفَعَ لِأَنَّ الْإِنسَانَ عند المعاينة لا يقبل منه شيء هذه سنة الله في عباده من اللي فرعون بلّه بأنه بيت تهلك وبيت غرق أش قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل ولكن ما تقبل منه جديك الساعة لأنه تحقق الهلاك دياله وهذه سنة الله الإيمان خاص يكون قبل ما يتحقق الهلاك قبل ما تكون قدام الهلاك قبل ما يقف عليك ملك الموت Et quand Pharaon s'est réfugié vers le monothéisme, il n'a pas été accepté. Quand il a vu qu'il va périr, vous savez, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dedans, il a dit, j'ai cru en le souverain dans lequel a cru Banu Israël. Mais là, il n'a pas été accepté de lui. Pourquoi ? Parce que là, il est en face de ça, de son châtiment. Et quand la personne, ça c'est la sunna d'Allah, quand la personne est en face de sa destruction du champ châtiment, rien n'est accepté de lui. Quand l'agonie de la mort, il arrive, ça y est. Donc tout ceci doit se faire avant. يقول رحمه الله فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ما دفعت شدائد الدنيا بشيء أكبر من التوحيد. التوحيد هو أهم الأمور التي تدفع به الشدائد. التوحيد هو الذي تدفع به الشدائد et il dit rahimahullah ta'ala dans فوائد الفوائد il n'y a pas quelque chose qui peut pousser les duretés de la vie les difficultés de la vie les catastrophes il n'y a pas quelque chose qui peut les pousser il y a tout simplement le monothéisme qui les repousse tout simplement il n'y a que le monothéisme C'est avec le monothéisme, avec le monothéisme, on sort des pires difficultés. Quand il n'y a plus, c'est l'impasse, tout est fermé, le monothéisme sort. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذنون عليه الصلاة والسلام التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. ها ما أي كرب كان في الدنيا فرج ديالو فين كان؟ في التوحيد. ولهذا جاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء للخروج من الكرب دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهؤلاء الذين يقولون أنهم مظلومون ومكروبون، هل في توراتهم رجعوا إلى التوحيد إلى دعوة ذي النون أم خالفوا؟ اسأل نفسك أخي الإسلام و قارن دعوة ذي النون للخروج من الكرب وما تسمعه عبر الخسيرة وغيرها، وتفهم المخالفة التي بين توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه الناس اليوم على الساحة. فيقول الله عز وجل c'est pour ça que le dua pour sortir des impasses et des difficultés a été le dua de دنون يونس عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ندين كد ندين دت خدوعي كتوي الله. Je fais partie gloire à toi. Je fais partie par. Je suis parmi les injustes. Et tout un chacun qui fait ce dua, il est délivré de sa souffrance et de ses difficultés. Il sort des impasses. Maintenant, je veux que tu fasses une comparaison entre ce que font les gens maintenant sur le terrain. Se brûler, crier, etc. sur tous les terrains que tu vois maintenant. Et ce que tu entends sur le khassisa, ou le khassira, et autres. Est-ce que tu entends dedans le fait de revenir à cette voie et à cette sunna que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de faire le dua avec le dua de Dhinnoun alayhi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Réfléchis. Pose-toi la question pour que tu saches qu'entre les enseignements des prophètes alayhi salatu wassalam et la voix de ton prophète alayhi salatu wassalam et la voix de tes puzeurs qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection et ce qui se passe sur le terrain, il y a une énorme différence. فَلَا يُلْقِي فِي الْكُرَبِ الْعِظَامِ إِلَّا الشِّرْكِ وَلَا يُنَجِّي مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيدِ. راه لا يلقي في الكرب ولا في الشدائد إلا الشرك. وانظر أنت حولك، الناس تطوف حول القبور، الناس تذبح لغير الله وما إلى ذلك جرى. ولا ينجي من كل الشدائد وكل الكروبات إلا التوحيد، إلا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إلا تحقيق حق الله سبحانه وتعالى. On Allah Azza wa Jal, rien ne peut sauver des impasses et des difficultés et des injustices, etc. Sauf le monothéisme qui peut sauver. Et rien ne jette dans les difficultés, dans les impasses, dans les situations critiques que l'associationnisme. Tourne tes yeux autour de toi, à travers le monde, tu vois combien de gens tournent autour des tombes. Combien de gens égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il y a les révolutions maintenant. Est-ce que quelqu'un s'est révolté contre ces actes d'adoration qu'on doit vouer pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont voués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons réfléchir. Nous sommes une communauté qui est soumise à Allah et non pas à l'opinion publique. On n'est pas une communauté qui doit faire ce qu'il veut. On est une communauté qui est régie par Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la voie et la compréhension des puzeurs d'Allah alayhim. Et non pas selon les analyses d'Al-Khasisa, ni d'Antenne 2, ni d'antenne 4 ou antenne 5. يقول رحمه الله فهو مفزع أي التوحيد مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق أي التوحيد مفزع الخلق يجب أن يكون مفزعنا وهو الملجأ يجب أن نلجأ إلى التوحيد إذا أظلمت وإذا كثر الكرب وكثر الشر ارجع إلى الله وحد الله سبحانه وتعالى أطع الله أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الحصن وذاء من هناك يأتي الغيث ها وتأتي النجاة فهنا الله عز وجل يلدي رحمه الله مولا فان دو سو باساج كو جي بري لا دي لو مونوتيزم سي لا فو فيغ لاكيل فو الي فيغ لاكيل فو سو ريفوجي سي لا سيتادل دو بروتيكسيون C'est là où il y a le fait d'être sauvé et de sortir de tous les impasses. Quand la situation devient difficile, qu'il n'y a plus d'issue, il faut revenir vers Allah. Il faut obéir à Allah. Il faut suivre son messager. Alayhi salatu wassalam. Fahakullahi akhal islam. Intaha kalam ibn al-Qayyim rahimahullah. Et là, c'est arrêté. Les paroles d'Ibn al-Qayyim, celui qui les veut, il va à Fawaid, Fawaid, la page 44 et 45. فوائد فوائد الصفحة 44 و45 فحق الله يا أخي الإسلام أمره عظيم ومر معنا البارحة أن هذا الحق لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة ها ربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا الإخلاص ولا يشرك عبادة ربه أحد هذه هذا الإخلاص والأول العمل الصالح هو المتابعة أي الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم il est passé avec nous hier فإن الله عز وجل que ce fondement n'est accepté d'Allah سبحانه وتعالى qu'avec deux conditions à savoir la sincérité et le suivi comme il est dit dans le verset dans la fin de sourate Al-Kahf celui qui espère la rencontre et la récompense من الله qu'il fasse Une bonne œuvre, la bonne œuvre ici, c'est celle qui est conforme à la sunna du prophète. Et qu'il fasse aucun associé dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est la sincérité. وهذا الحق واخا الاسلام يؤدى بعيدا عن كل مظاهر الشرك. الكبير او الصغير. لكي ينتفع به العبد يوم القيامة. لأن الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ها؟ هذا الحق لكي ينفع الإنسان فيجب أن يكون بعيدا عن كل مظاهر الشرك الكبير أو الصغير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر من الله أن يعبد ويفرد بالعبادة ونهي من الله أن نجعل له ندا وشريكا لا ملك مقرب ولا رسول ولا كذا Ce droit doit être accompli, loin de toute forme d'associationnisme, que ce soit le grand associationnisme ou le petit associationnisme, pour que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse profiter de ce droit, de l'accomplissement de ce droit. Car il est dit dans le verset, « Y adorez Allah et ne lui faites aucun associé, aucun. » Allah il a ordonné le fait de lui réserver le culte exclusivement et de ne lui faire aucun associé. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله على العباد أن يعبدوه أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاذ le droit d'Allah sur ses serviteurs C'est qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne doivent lui faire aucun associé. Fayajibu alayna wa yajibu alay al-ibad wa hum yu'addun haqq Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi ad-dunya an nakun ala hadarin min al-wuqu' fi ayy naw'in min anwa' ash-shirk. La al-kabir wa la al-saghir. يجب أن نحذر من هذا. Il est obligatoire pour nous, il est de notre devoir, en accomplissant ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, qu'on fasse très attention, qu'on ne tombe pas dans l'une des formes de l'associationnisme. Limada, لأن الشرك ظلم عظيم أخى الإسلام. الشرك أعظم من القتل، الشرك أعظم من الزنا، الشرك أعظم من ترك الصلاة، الشرك أعظم من كل شيء. أكبر الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مع أن القتل بغير حق والزنا وترك الصلاة كل هذه مصائب كبرى وعظائم، لكن أعظمها وأكبرها الشرك بالله عز وجل، أكبر الظلم خلق الإسلام. والدليل قول الله سبحانه وتعالى لقمان عندما أوصى ابنه ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله سبحانه وتعالى سماه بالظلم العظيم، أكبر ظلم على وجه الأرض هو الشرك بالله عز وجل. هذا الشرك ناس يسمونه التوسل بالأولياء وكذا، وهو شرك بالله وهو أعظم الظلم، وتسميه الناس بغير اسمها، وتبرره أصحاب العمائم يبررونه. انظر العمائم، أصحاب العمائم في مصر كيف يبررون الطواف بقبر البدوي وغيرها، وانظر في شمال افريقيا كذلك. والله سماه ظلم، اعظم الظلم. فالطواف عباده، والذبح كذلك يجب ان يكون لله، فيذبح للقبور ويذبح للموتى، ويسمى هذا توسل. فقال الله عز وجل pourquoi l'associationnisme est énorme et c'est la plus grande des injustices. Il faut s'éloigner de l'associationnisme parce que c'est énorme, parce que c'est la plus grande des injustices. Pourquoi ? Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ce soit ainsi. Dans le Coran, Luqman, il fait des conseils à son fils, il dit « Fiston, ne fais pas d'associer à Allah, car l'associationnisme c'est la plus énorme et la plus géante injustice. » Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé injustice, la plus géante injustice. L'associationnisme est beaucoup plus grave que l'adultère, que le fait d'assassiner quelqu'un, que le fait de voler, que le fait de boire, etc. Ceci, ce sont des péchés capitaux. Il ne faut pas les minimiser. Abadan. Mais l'associationnisme est beaucoup plus grave que tout ça. Beaucoup plus grave que tout ça. Cet associationnisme que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la plus énorme et la plus géante des injustices, certains l'appellent l'intercession. Ils lui donnent un autre mot pour le minimiser. Tu vois, le turbané d'Égypte, pour ceux qui tournent autour du Badawi ou autre, là pour eux, c'est juste une intercession. Et après Allah, il l'a appelé associationnisme, énorme injustice. Et toi, tu le minimises. Égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en Afrique du Nord et ailleurs. Mais ça, prendre une intermédiaire pour se rapprocher d'Allah. Et ceci, c'est la plus grande des injustices. Quand on égorge pour autre qu'Allah, pour un mort, etc. كذلك الشرك يحبط الأعمال. كل الأعمال تذهب هباء منثورا. قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك لمن؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك من الرسل والأنبياء لئن أشركت. هل يعقل أن يكون الشرك من نبي؟ أبدا. أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمي أبدا، ولكن لخطورة هذا الأمر أتت هذه الآية تنبهنا على ذلك، على خطورة الشرك، وأنه يحبط كل الأعمال، كل الأعمال تذهب هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مشى ما كاين شيء. Et pourquoi aussi que il faut faire très attention à l'associationnisme, parce que l'associationnisme anéantit tous les actes et les annule. Plus d'actes va servir à quoi que ce soit. Il est dit dans le verset, dis-leur, est-ce que c'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que vous m'ordonnez d'adorer, vous les ignorants? Il t'a été révélé à qui? Le message est adressé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Hein? Il t'a été révélé ainsi à ceux avant toi, c'est-à-dire parmi les messagers, que si tu associes, tes actes serviront à rien, vont être anéantis, tu vas être parmi les perdants. Est-ce qu'il est pensable qu'un prophète puisse tomber dans l'associationnisme alors qu'il est venu, sa fonction, Allah subhanahu wa ta'ala, élu pour appeler vers le monothéisme? Hein? Est-ce qu'il est pensable que notre prophète allait tomber dans l'association? Non. Vu la gravité et le danger de l'association, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cet avertissement pour nous attirer notre attention. Qu'il faut faire très attention à ça. Qu'il anéantit tout. Hein? Il est dit dans notre verset, on arrive, c'est-à-dire pour les associations, à leurs actes, et on les anéantit, ils deviennent poussière, rien du tout. Hein? كذلك لأن الشرك يحرم صاحبه من الجنة ويدخله النار كالإسلام يحرم صاحبه من الجنة ويدخل صاحبه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إذا يشرك بالله ما عندوش نصير ويدخلوا الله سبحانه وتعالى النار إلى associationnisme aussi prive la personne du paradis et le fait rentrer en enfer. وعليكم السلام. Il est dit dans le verset, celui qui associe à Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى lui interdit le paradis, sa demeure sera l'enfer et les injustes n'ont pas d'alliés. Hein? Ils n'auront aucun allié. Pourquoi? Les ennemis d'Allah, associateurs, quel allié il va avoir? ولأن الشرك كذلك أخى الإسلام يحرم صاحبه من مغفرة الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زاني يغفر الله له. إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، يلقى الله وهو موحد إن شاء الله غفر له. ها صارخ كذا كذا، ما دام أنه لقي الله موحدا فهو تحت المشيئة. ها أما مشرك فما فيه كلام، ما فيه كلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اي باسكو سي لاسوسيسيونيزم انتردي est une barrière pour que les péchés de l'associateur soient pardonnés. C'est un empêchement que les péchés soient pardonnés à la personne. Quelqu'un qui meurt associateur, rien ne va lui être pardonné. Mais un monothéiste qui meurt avec des péchés capitaux, il est sous le vouloir d'Allah. Si Allah il veut le châtier, ça sera justice accomplie min Allah. Si Allah il veut lui pardonner, ça sera clémence faite min Allah Azza wa Jalla à la personne. Et il est dit dans le verset, et Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse aucun associé. Et en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Hein? Wa qala Rabbuna Azza wa Jalla fi al-hadith al-Qudsi Ya ibn Adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لو أتيتني بملء الأرض خطايا. ثم لقيتني بدون أن تشرك بي شيئا. السلام عليكم. آتيك بقرب الأرض مغفرة. السلام عليكم. ورحمة الله. إذن حديث قدسي. الله سبحانه وتعالى يقول ها او descendant d'Adam, si tu arrives vers moi le jour de la résurrection avec la terre remplie de péchés et que tu ne m'as fait aucun associé, je vais te donner la terre entière de pardon à la condition qu'il n'y ait pas d'associé. Hein? Regarde le monothéisme et le bienfait du monothéisme. Et regarde de l'autre côté l'associationnisme, ce qu'il amène. Même pas le pardon pour la personne. كذلك لأن الشرك يجعل صاحبه من شر البرية شر الخليقة على وجه الأرض هو المشرك لأنه سب في قلبه سب لله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Car l'associationnisme aussi fait que l'associateur est la pire des créatures. Il est dit dans le verset, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs sont dans le feu de l'enfer, dans le feu de la Jahannam. Ah, et ceux-là, ils y seront éternels et ceux-là font partie des pires de la créature. Ah. فبالله عليك أخي الإسلام مظاهرات يخرج فيها الذي يعتقد التكليت قبطي يعتقد التكليت أتكون مباركة هذه ساب لله سبحانه وتعالى ينسب الولد لله أيبارك الله في الثروة أي ثورة هذه مظاهرات يخرج فيها هذا المشرك أي ثورة هذه؟ أين وجدت؟ أكان على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان عليه الصحب الكرام؟ فهنا الله عز وجل je te demande de réfléchir devant les événements que tu as autour, dans des manifestations qui ne font même pas partie de la législation musulmane, ni de la sunna du prophète عليه السلام, dans lequel se retrouve un copte qui fait la trinité Allah subhanahu wa ta'ala à côté de musulmans qui certains sont monothéistes, d'autres ah, adore des tombes, etc. Est-ce qu'il y aura une bénédiction dans tout ça? Réfléchis à l'islam. Réfléchis. Est-ce qu'on peut unir les contradictions? Est-ce que l'associationnisme et le monothéisme peuvent faire pour cohabiter ensemble à l'islam? Réfléchis. Hein? Pour que tu vois la nullité de la situation et l'ignorance qu'il fait des gens. Et où est-ce qu'il les amène? Comme des brebis, ils suivent. Comme des brebis. Et ils tombent dans les panneaux des ennemis d'Allah. Hein? فأخ الإسلام إذا أدى العباد حق الله عليهم بأن عبدوه وحده لا شريك له فماذا لهم في الدنيا والآخرة؟ Frère Allah Azza wa Jal, quand les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala accomplissent le droit d'Allah et réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le veut Allah et comme l'a enseigné le messager alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde avant le delà? Et qu'est-ce qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà? Fid dunya akha l'islam. التمكين في الأرض التمكين في الأرض لا يكون إلا بالتوحيد. قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان بالله وحده لا شريك, عمل الصالحات, عمل موافق لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام, إيمان بالله, توحيد الله سبحانه وتعالى, وعمل صالح أصله التوحيد. لا يستخلفنهم في الأرض لأنهم خلفاء بعضهم يخلف بعضا على الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ها؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذه القوة للدين ديالهم اللي بغى لهم اللي قبل لهم الله سبحانه وتعالى. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ها؟ الخوف فاش كاينين؟ يخرجون من الخوف ويدخلون في الامن وفي الاستقرار. بماذا؟ بالتوحيد والعمل بالاخلاص والمتابعه. الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الخروج من الخوف والامان والاستقرار. ها؟ الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عبادة الله وحده لا شريك له، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التمكين في الأرض يكون بالتوحيد، التمكين في الأرض يكون بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويكون بالتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا تاريخ أمتنا كيف كانت، كيف كان عهد أبو بكر الصديق، وماذا كان أساس دولة أبو بكر الصديق؟ ألم يكن التوحيد؟ ألم تكن المتابعة لرسول الله؟ وكيف كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخلافة عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين؟ أكانت ترتكز على الثورات وعلى المظاهرات؟ أم كانت ترتكز على التوحيد، إخلاص العبادة لله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نحن أمة إخوة الإسلام مقيدون بالدين، مقيدون بالكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة، ليس وفق التحليلات الصحفية. ومن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى دون سو موند دون مونوتيست لا فورس سور تير اي لا سوبريماسي. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que ça comporte, c'est-à-dire monothéisme, et bonne œuvre, une bonne œuvre qui conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le monothéisme d'un côté, et être conforme, la sincérité des actes pour Allah, et aussi la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui arrive après? Il va les faire succéder les uns derrière les autres sur terre, comme il l'a fait pour ceux avant eux, c'est-à-dire ceux qui ont accompli le monothéisme, et qui ont suivi dans ça leur messager alayhi salatu wassalam, succéder les uns derrière les autres. Et il va donner la force à leur religion qui leur a agréé. Tout ceci est basé sur une foi authentique et sur un suivi. Et il va changer leur peur en sécurité. On veut la stabilité, on veut la sécurité. Ben il est dans le monothéisme, dans le suivi des messagers alayhi salatu wassalam. Tout ceci, avoir la suprématie sur terre, avoir la force dans la religion, avoir la sécurité, la stabilité, est basé sur le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le verset arrive, il te dit, il m'adore sans faire aucun associé. Et celui qui me croit après ça, ceux-là font partie parmi les pervers, parmi les désobéissants, le foussard. Donc, la suprématie de cette communauté, il est dans quoi? Sache, frère en Allah, Azzawajal, tu es muslim, tu es soumis à Allah. Donc ce ne sont pas les idéologies de révolutionnaires qui doivent te gérer, ni l'idéologie d'un journaliste, ni de perturbateurs d'esprit, etc. Tu dois être géré par Allah, a dit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et tout cela selon la voie et la compréhension du type Zayel, qui sont les compagnons du prophète alayhi wa sallam et ceux qui les suivent à la perfection. C'est dans ce chemin-là que tu dois marcher, tu dois être soumis à Allah. Et t'arrêtes avec la, où il est la liberté d'expression. Ya akhi, ta liberté est dans ta soumission à Allah. ton opinion doit être conforme à la parole d'Allah et à la parole de ton messager alayhi salam et à la voix du type Isaïe redouanallah alayhi. Regarde ta communauté, la gloire de ta communauté, lis ton histoire, lis l'histoire de ta communauté. Regarde avec quoi Mohammed alayhi salam il a ramené les gens vers les honneurs et vers la suprématie et vers la force. Est-ce qu'il les a ramenés avec les révolutions et les manifestations, ou là il les a ramenés avec une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et un suivi aveugle à sa sunna alayhi salam? Regarde la khilafa d'Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Est-ce qu'il était basé sur les manifestations et les dires des politiciens et des journalistes, ou là il était basé sur Allah a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? La même chose dans la khilafa de Omar ibn Khattab, la même chose dans la khilafa de Uthman, de Ali radhiyallahu anhu et de tous ceux qui les ont suivis à la perfection. Réfléchis à l'islam. ولا تقول لي بارك الله فكرة الزمن تبدل نحن في زمن آخر أنتم أعلموا أم الله إحنا اللي تعرفوا الله 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالأمور في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن نكون على أن يكون آدم ولا أي شيء على وجه الأرض أمور في علم الله سبحانه وتعالى إحنا اللي غادي نعلم الله سبحانه وتعالى أن الزمن تبدل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إحنا اللي غادي نعلم الله أعوذ بالله أعوذ بالله من الجهل قول الله عز وجل on doit faire très attention. Dit, mais les temps ont changé. L'époque de Mohammed alayhi salam est révolue à l'époque. Il se déplaçait avec les chameaux, avec les. Avec les chevaux. L'époque de Abou Bakr n'est plus là. On ne vit plus à la même époque. Maintenant, on vit à l'époque de Facebook et toutes les perturbations que tu veux. Est-ce que c'est nous qui nous savons Allah subhanahu wa ta'ala comme il est dit dans le verset? Chers frères, on Allah Azza wa Jal, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah a écrit le crayon et lui a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. On n'a rien à apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Tout est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que ce monde n'existe. Et c'est lui qui a créé, comme il est dit dans le verset, c'est lui qui a créé, qui sait ce qui est le bien pour les humains et pour les djinns aussi. Donc toute chose qui va faire le bien de l'être humain dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et le messager alayhi salam, comme on dit les compagnons, l'oiseau qui tourne son aile, ses ailes dans le ciel, il nous en a parlé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit le sahabi ridwanullahi alayhi, ما من طائر تقلب جناح ديالو في السماء الا علمنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا عليه فما كاين شي حاجه اللي بتقربنا لله وما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاين شي حاجه اللي بتبعدنا من الله سبحانه وتعالى وتقربنا الغضب ديال الله الا حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم دونك toute chose qui doit nous rapprocher qui doit faire notre bien dans ce bas monde et dans le delà et qui doit nous ramener prévaloir l'agrément d'Allah سبحانه وتعالى c'est que الرسول صلى الله عليه وسلم nous l'a enseigné. Il nous l'a montré. Et toute chose qui vient de prévaloir, le rabaissement, le déshonneur, le désagrément, la colère d'Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a averti, akhi l'islam, réveille-toi. Donne pas ta raison à quelqu'un d'autre. Fais que ta raison soit guidée par la parole d'Allah, par les enseignements de ton messager alayhi salam, et par tes nobles puiseurs, ridwanullah alayhim, la voix de tes nobles puiseurs, ridwanullah alayhim. Vont pas le vil qui va disparaître avec le meilleur dans le delà, l'islam. Salman radiallahu anhu, muftakhiran. Yati l'Yahudi wa yakulu la ya Salman, allamakum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hatta. فقال علمنا. فافتخر سلمان قال علمنا حتى القراءة كيف نستنجي وكيف ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. فبالله عليك رسول يعلم أمته حتى هذا كيف يتطهرون من النجاسة؟ أنسي شيئا يقربهم إلى الله ويكون فيهم لهم رضا الله سبحانه وتعالى؟ أبدا أخ الإسلام، أبدا أخ الإسلام. فعلينا أن نرجع إلى ربنا وإلى سنة نبينا وإلى الطريق الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وصحب الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ويا أخوان الله عز وجل غفل الشيء ميديتو بيان un prophète qui a montré à sa communauté comment se nettoyer après les grands besoins. Le juif, il arrive pour se moquer. Il dit à Salman, votre prophète vous a appris comment faire vos besoins, etc. Salman, avec toute fierté, lui dit, il nous a appris comment se nettoyer après, et qu'il faut prendre trois pierres pour s'essuyer, etc. Et qu'il ne faut pas donner le dos à la Qibla, qu'il ne faut pas lui faire face, etc. Avec fierté. Par Allah, frère en Allah, Azza wa Jal, un prophète qui n'a pas oublié ce détail. Est-ce qu'il aurait oublié quelque chose qui va prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va faire le bien de la communauté dans ce bas monde et dans le delà? Abadan akhal islam. Abadan. Notre devoir, c'est de revenir vers Allah et de revenir vers le livre d'Allah, vers les enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos puissants d'Allah alayhim. De revenir sur la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah et des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection à l'islam. فالله سبحانه وتعالى بالتوحيد يمكنك في الأرض. فاسمع لقوله عز وجل وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أخ الإسلام. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد الذكر أي بعد الكتابة التي في اللوح المحفوظ أن الأرض أن هذه الأرض يرثها الصالحون. من هو الصالح؟ هو المتقي لله، هو الذي يعمل بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، هو الذي يحقق التوحيد ويتبع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا الصالح. ليس الصالح من بنيت عليه القبة يعلم الله حاله، أما الصالح فهو المتقي، فهو الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويحقق التوحيد ويحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا aussi la force. La force sur terre, la suprématie, tu l'as avec le fait d'accomplir le monothéisme. Écoute ce verset. Nous avons écrit dans les livres descendus, tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Après l'écriture dans la planche gardée chez Allah subhanahu wa ta'ala, lawh al-mahfouz, que la terre sera héritée par les serviteurs pieux. Qui sont les serviteurs pieux? Ce sont les monothéistes à l'islam. Ce sont ceux qui mettent en application les droits d'Allah et qui s'abstient et qui délaisse Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'éloigne de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Ça, ce sont salihoun. Et salihoun, c'est pas ceux sur lesquels on a construit des mausolées. Hada Allah ta'ala a'lamu bihalim. Mais salih, c'est celui qui accomplit le monothéisme et qui suit aussi les messagers alayhi salatu wassalam. Hada salih akhal islam. ثانيا الموحد والذي حقق حق الله يحفظه الله من كيد الشيطان. تريد أن تحفظ من كيد الشيطان فعليك بتحقيق التوحيد. Deuxièmement, frère en Allah عز وجل, le monothéiste est préservé des manigances d'yal shaitan et des ruses d'yal shaitan. Tu veux être préservé du shaitan, accomplis le monothéisme dans ta vie. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباد الله؟ الموحدون أخ الإسلام، الموحدون المتبعون للأنبياء. هؤلاء لا سلطان للشيطان عليهم. Et il est dit dans le verset Certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Allah, il s'adresse à qui? À Shaitan. Il dit, mes serviteurs, tu n'as... Qui sont les serviteurs d'Allah? Ce sont les monothéistes à l'islam. Ce sont ceux qui suivent les messagers, alayhi wa sallam. Tu veux être, tu veux que Shaitan n'ait aucun pouvoir sur toi? Sois monothéiste. Sois conforme à la sunna de ton prophète, alayhi wa sallam. Et tu lui échapperas à l'islam. Allah, il a décrété que ce soit ainsi. Qu'il n'a aucun pouvoir sur les monothéistes. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui accomplissent le monothéisme dans leur vie. Ce sont ceux qui suivent les messagers alayhi wa sallam, qui accomplissent la religion sincèrement à Allah, conformément à ce que veut Allah et conformément à la sunna du prophète alayhi wa sallam. Wa atarafa al-adou binafsi annahu la qibala lahu ala ibadillah. Huwa binafsi atarif. فقال قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كيف أخلص هؤلاء أخلصهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالإيمان بالمتابعة لرسول الله فالشيطان يقسم بعزة الله أنه لا يقدر عليهم يغوي الجميع إلا المخلصين إلا الموحدين إلا المتبعين الأنبياء فلا قبل له بهم لا يستطيع لأنهم محفوظون من الله سبحانه وتعالى ها يحفظهم الله سبحانه وتعالى بتوحيدهم وبمتابعتهم فإذا أردت أن تحفظ أهل الإسلام فعليك بالتوحيد وعليك بالمتابعة فهنا الله عز وجل Lui-même, il reconnaît comme quoi il ne peut rien pour les serviteurs d'Allah, pour les monothéistes. Il le reconnaît. Il dit, dans le verset, il a dit, « Par ta gloire, par ta puissance, ya Allah, je vais les égarer tous, sauf tes serviteurs que tu as élus. » Qui sont ces élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Ce sont ceux qui accomplissent le monothéisme, qui sont dans... conforme, qui se conforme à la sunna des messagers alayhi wa sallam, cela Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et les protège. Donc shaitan il ne peut rien. Il a juré lui-même par ta puissance ya Allah, je vais les égarer tous, sauf ceux. Hein? Sauf les monothéistes, ceux qui se conforment à ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala et selon la sunna de leur messager alayhi wa sallam, cela il ne peut rien pour eux. Tu veux lui échapper à l'islam, accomplis ton monothéisme. Soit dans un suivi conforme. كذلك يتحصل العبد بتحقيق هذا الحق بالزاد المطلوب الذي هو التقوى الزاد الذي ينفعك في السفر في هذه الدنيا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كيف تحصل عليه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وحدوا الله أفردوه بالعبادة تأتي التقوى التي يزادك في الدنيا زادك للآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى ما معناها معناها امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى بدليل من الله ترجو ثواب الله واجتناب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه بدليل من الكتاب والسنة تخاف عقاب الله هذه التقوى هذا زادك للآخرة وهذا الزاد متى تتحصل عليه أخي الإسلام بعبادتك لله سبحانه وتعالى بإخلاصك للعبادة لله وباتباعك لمحمد عليه الصلاة والسلام فيحصل لك الزاد كل مسافر يحتاج إلى زاد وزادك إلى الدار الآخرة هو التقوى هو توحيدك لله هو امتثالك لأوامر الله هو اجتنابك لأوامر الله سبحانه لما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه فهنا الله عز وجل et aussi avec le fait d'accomplir le monothéisme de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala on acquiert quoi nos provisions La provision qui est taqwa, la meilleure des provisions qui est taqwa, qui est le fait. Taqwa, parce que taqwa, sa signification, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense minallah et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi. Et aussi de l'autre côté, c'est de s'abstenir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Ça, c'est taqwa. Et c'est taqwa, tu ne serais l'acquérir qu'avec, en accomplissant le monothéisme, en étendant, en se conformant à la sunna de ton prophète, alayhi wa sallam. Et en accomplissant la religion sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, tu peux avoir cette provision qui va te servir pour le delà. Tu es dans un voyage dans ce bas monde, dans lequel tu passes tes épreuves. Et de ce bas monde, tu dois acquérir taqwa pour pouvoir réussir ton examen dans le delà, le jour où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, cette provision qui va te servir pour le delà passe obligatoirement par le fait d'accomplir le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il t'a ordonné et de s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a interdit. كذلك بتحقيق حق الله سبحانه وتعالى يكون لك أخ الإسلام تحصل على محبة الله في الدنيا وفي الآخرة تريد محبة الله فعليك بتوحيد الله سبحانه وتعالى et avec le fait d'accomplir le monothéisme tu acquiers le grand bonheur et l'énorme bonheur qui est le fait que tu sois aimé min Allah dans ce bas monde et dans le delà. Le grand bonheur c'est que tu sois aimé min Allah Azza wa Jalla. قال تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولني استعاذني لأعيدنه. لا يزال العبد يتقرب إلى الله بعض الفرائض يتقرب إلى الله باش بالنوافل حتى يحبه الله فإذا أحبه الله وفقه لكل خير وفق عينيه للخير وفق سمعه للخير وفق رجله للخير وفق يديه للخير وفقه لما يحب ويرضى. Mon frère, tu fais deux rak'at pour le salut de la mosquée, inshallah. Entend. Quand on rentre dans la mosquée, il est obligatoire de faire deux rak'at, barakallahu fikum. Et donc, pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit passer par le monothéisme, par le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le hadith Qudsi. Hein? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher vers moi avec les surrogatoires et tout ceci après avoir accompli les obligatoires, hein? Jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je serai son oui avec laquelle il entend, je serai sa vue avec laquelle il voit, je serai sa main avec laquelle il fait les choses, et je serai ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il se réfugie auprès de moi, je le protégerai. Hein? Regarde, maintenant le bien qu'il y a dans le fait d'accomplir le monothéisme, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de rajouter à ça les surrogatoires, etc. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ton oui, va la protéger. Tu vas l'utiliser que dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tu t'éloigneras de tout, d'écouter les turpitudes, d'écouter les blâmables, etc., les chansons, etc. Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver de ça. Ton regard ne tombera pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver, va. Tu dis tourner de tout ce qu'il n'aime et ce qu'il n'aime pas, il n'agrée pas. Hein? La même chose pour tes pieds, tu iras avec où? Vers les endroits que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tes mains, tu feras que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée avec toi. Et ça, c'est un grand bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il t'a aimé, il t'oriente vers ce qu'il aime, vers ce qu'il va te prévaloir le grand agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand bonheur et le grand gain. Et si la personne agit ainsi et accomplit le monothéisme, qu'est-ce qu'il a après quand il demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui exauce, il lui donne. Quand il se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. عظيم ها؟ إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم بلك إن الله سبحانه وتعالى يحب شي إنسان باش يحبه بتوحيد متابعة. ها تعيط على جبريل تقول له يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه، فيأتي الأمر جبريل لكي يحب ذلك الإنسان فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء فيجعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. أمر عظيم أخ الإسلام، التوحيد التوحيد أخ الإسلام، إفراد الله بالعبادة، إخلاص العبادة لله، اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. يحبك الله ويجعل الناس يحبونك وتحبك الملائكة ويحبك أعظمهم جبريل عليه الصلاة والسلام. يوسي نخفويت عليه الصلاة والسلام نزانوصي كنت الله سبحانه وتعالى أمن دو سي سيرفيتور إلى أبل جبريل جيمي تل بيرسون إملا إجبريل غسوالو d'aimer cette personne. Et Jibril il l'aime et il appelle les habitants d'ici, il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala aime telle personne, aimez-la. Et donc les habitants, les anges vont aimer cette personne et après l'acceptation est donnée à cette personne sur terre. Les habitants d'ici l'aiment, l'acceptation lui est donnée sur terre. Regarde ce noble hein, cette noble situation que tu as une fois que tu as accompli le monothéisme, une fois que tu es soumis à Allah, une fois que tu mets en application les ordres d'Allah, tu s'abstiens de ces interdits et que tu es conforme à la sunna de ton prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Le meilleur des anges t'aime, Jibril alayhi salatu salam, et tous les anges t'aiment et ceux les humains sur terre vont t'aimer. وماذا لنا في الآخرة إذا حققنا التوحيد عباد الله؟ هذا في الدنيا، فماذا عندنا في الآخرة؟ Maintenant nous avons vu ce qu'on peut acquérir en étant soumis à Allah سبحانه وتعالى dans ce bas monde. Qu'est-ce que nous avons dans le delà؟ الأمن من الفزع الأكبر والفوز بالجنة. الخوف الأكبر أخي الإسلام لك الأمن منه. الفوز بالجنة أخي الإسلام. Qu'est-ce que nous avons dans l'au-delà? La première des choses, la grande peur dont les gens ils vont être au moment de la résurrection, ben toi tu es épargné de cette grande peur. Hein? Cette terrible peur, tu es épargné. Le monothéisme, on est épargné. Hein? Il sera épargné à l'islam. Et il aura le grand gain qui est le fait de gagner le paradis. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أخي الإسلام ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي أي أيها الموحد أيها المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخف على ما ستأتيه لا تخف على المستقبل لا تخف على الأمور التي تستقبلها وعليكم السلام الله ولا يصيبك الحزن فيما مر وفيما مضى لا تحزن على أي شيء. من هم هؤلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أي منقادين لأوامر الله موحدين متبعين أوامر الله مجتنبين لنواهي عز وجل اش ادخلوا الجنه انتم ومن عمل بعملكم الذين هم على شاكلتكم وعلى طريقتكم انتم واياهم ادخلوا الجنه تحبرون اي تنعمون وتكرمون. ان الله عز وجل la première des choses tu arrives dans le delà cette grande peur et cette grande crainte cette terrible peur que vivront les gens وفيكم ها cette grande peur, le monothéiste, est celui qui est conforme à la sunna de son messager, alayhi salam, ne la vivra pas. et il aura le grand gain. Il est dit dans le verset, ô mes serviteurs, qui sont les serviteurs d'Allah? Les monothéistes, ceux qui accomplissent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à ce que veut Allah et conformément à la sunna du prophète. Vous n'avez pas à avoir peur du futur vers lequel vous allez. Aujourd'hui, vous n'avez pas à avoir peur vers ce que vous allez, vers le futur vers lequel vous allez. Et ne soyez pas attristés pour ce qui est arrivé auparavant, ce qui est passé. Oubliez tout. C'est fini. Qui sont ceux-là? Allah a été décrit. Ceux qui ont cru, ont le verset, ont le signe, et qui étaient soumis. Soumis à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Monothéiste, dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. Rentrez au paradis, vous et ceux qui ont agi, qui ont accompli les mêmes choses que vous. Rentrez au paradis, vous et ceux qui ont agi comme vous. Dans ce paradis, vous allez être comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être honoré et comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Il est dit dans l'autre hadith قدسي, Allah سبحانه وتعالى dit, j'ai préparé à mes serviteurs, mes serviteurs vertueux, ce que aucun œil n'a vu, aucun oui n'a pu entendre parler de ces choses, aucun cœur ne peut soupçonner ce qui les attend. Lisez, si vous voulez, le verset qui dit, et aucune personne ne sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve comme prunelle des yeux. Ça, ce sont les bienfaits. Parmi les bienfaits qu'on gagne dans le delà quand on a accompli le monothéisme. Taniyan, la yu'adibahum an-nar fi an-nar. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéiste, il ne les châtie pas dans l'enfer. Qala sallallahu alayhi wa sallam li Mu'ad radiyallahu anhu, hal tadri ma haqqu al-ibadi 'ala Allah idha fa'aluh? قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم, وهذا حق تفضل من الله سبحانه وتعالى, وإلا فلا أحد يحق على الله شيئا ولا يجب على الله شيئا أبدا, وإنما حق تفضل به الله سبحانه وتعالى على عباده وأكرمهم به لأنهم وحدوه وعبدوه وأفردوه بالعبادة. deuxièmement, c'est que الله سبحانه وتعالى ne châtie pas les monothéistes en enfer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, ô Mu'ad, est-ce que tu connais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs? Il dit, est-ce que tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le droit que Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ses serviteurs s'ils accomplissent quoi? S'ils accomplissent le monothéisme. Mu'ad a dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le sachent, qui le savent. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne les châtie pas. Est-ce que quelqu'un impose quelque chose à Allah? La abadan. Mais ça, ce droit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, se l'est imposé lui-même, comme vertu, et pour honorer les monothéistes. Mais sinon, personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses obligatoires et qui interdit les choses et qui donne les choses, etc. Mais ça, pour tout montrer la situation énorme dans laquelle sont les monothéistes. Ils sont comblés de ce grand bienfait et qu'ils seront parmi les choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les comble, c'est qu'il les préserve du châtiment. حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به وحده لا شريك له, أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا, فإن فعلوا ذلك كانت السعادة في الدنيا وفي الآخرة, سعادة الدارين أخ الإسلام في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي إفراده بالعبادة. Donc, faire Allah, عز وجل, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce serviteur, c'est qu'il lui réserve le culte exclusivement. Et c'est là où il y a le bonheur de l'humanité et de l'être humain. Dans ce bas monde et dans le delà. والعبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. العبادة التي يريدها الله. العبادة هي اسم جامع لكل شيء. قاعدك شيء تحب الله سبحانه وتعالى من الكلام ولا من الأمور القلبية ولا من الأفعال يحبها الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. وكل شيء يسخط الله من قول أو عمل قلبي أو عمل بالجوارح ويغضب الله عليه وعليه ومنه لعنة من الله سبحانه وتعالى وغضب من الله فهذا ليس بعبادة. Et l'adoration c'est quoi? L'adoration que veut Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs. Le terme adoration est un terme qui englobe beaucoup de choses. Rentre dedans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les actes apparents et les actes du cœur. Et parmi les paroles que tu dises, que ce soit la parole de la langue ou la parole des cœurs, que ce soit les actes apparents, les actes que tu fais avec tes membres et les actes de ton cœur, tout ceci, du moment que l'acte est agréé min Allah, il y a une récompense min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Et tout acte, toute parole du cœur et des membres ou de la langue et des actes du cœur et de la langue qui encourent la colère d'Allah et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un acte d'adoration. Ça, c'est la définition qu'on a donnée, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. فالأعمال الظاهرة شهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة الصوم الحج بر الوالدين وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك هذه العبادة تتمثل في رمي الجمرات وفي حجاب المرأة وفي الابتعاد عما حرم الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف وعدم الخروج عليهم. كل هذا من العبادة. وعدم الدعوة إلى المظاهرة عليهم وإلى الخروج عليهم. دبوا أخي دبوا في ذلك عتبون تسوى بارك الله فيك. ها donc les actes apparents rentrent dedans l'attestation de foi, rentrent dedans l'accomplissement de la prière, rentrent dedans le fait de s'acquitter de la zakat, le jeûne, le pèlerinage, rentrent dedans l'obéissance aux parents, rentrent dedans aussi le fait quand on jette les stèles au moment du pèlerinage, on prend 7 pierres pour jeter, c'est un acte d'adoration. Ah, le fait de... que la femme se couvre avec son hijab et s'éloigne de l'exhibition, c'est un acte d'adoration. Le fait de s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est un acte d'adoration. Le fait d'obéir au messager alayhi salatu salam, c'est un acte d'adoration. Le fait de suivre le messager alayhi salatu salam, l'adoration ne serait comprise que dans le suivi du Muhammad alayhi salatu salam. Le fait d'obéir à ceux qui te gouvernent, dans l'obéissance à Allah, c'est un acte d'adoration. Le fait de ne pas appeler à la révolte contre ceux qui te gouvernent, fait partie de l'adoration. Le fait de ne pas appeler aux manifestations contre ceux qui te gouvernent, fait partie des actes d'adoration. Hein? Tout ceci fait partie des actes d'adoration à l'islam. Partons de là, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, où des gens appellent à la révolution contre leurs gouverneurs dans les pays de l'islam, ce n'est pas un acte d'adoration à l'islam. Et quand certains sur les membres des mosquées ou là sur les sites internet dénigrent les gouverneurs des pays de l'islam, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Rasulullah nous a enseigné quand nous avons un conseil à faire à notre gouverneur, on les fait entre nous et lui si on peut. Si on ne peut pas, on blâme l'acte avec nos cœurs et puis c'est tout, pour ne pas créer la fitna, les perturbations dans les sociétés, comme il en est aujourd'hui maintenant. أما الأعمال عبادة الأعمال الباطنة فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والخوف من الله وخشية الله والتوكل على الله والرغبة والرهبة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من العبادات. كنت على الأدوراسيون كي كونسيرن L'adoration intérieure, l'adoration du cœur, c'est le fait de croire en Allah, le fait de croire en ses anges, le fait de croire en ses livres, croire en ses messagers, en le delà, en le destin beau et mauvais, le fait de craindre Allah, le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir envie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve, le fait de chercher aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer pour Allah, le fait de détester pour Allah, le fait de s'allier pour Allah, hein, le fait de désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes sortes d'adorations du cœur, hein. فالعبادة تشمل جميع الأقوال والأفعال ظاهرة وباطنة. Donc l'adoration concerne tous les actes. Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée qu'ils soient des actes apparents ou des actes cachés. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قل إن صلاتي. Il est dit dans le verset, dit ma prière, hein, ce que j'immole, ce que j'égorge, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce que je fais dans ma vie et ce qui va m'arriver dans le delà, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété après ma mort, tout ça est à Allah subhanahu wa ta'ala, souverain des mondes. Il n'a aucun associé, ce qu'il m'a été ordonné. C'est-à-dire, il m'a été ordonné que tout acte d'adoration, je dois le vouer pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا صَلَّ الْعَبْدُ فَهُوَ فِي عِبَادَةٍ لِلَّهِ وَحْتَى إِذَا نَامَ مَعَ زَوْجَتِهِ إِنَّ وَذَلِكَ فَهُوَ فِي عِبَادَةٍ لِلَّهِ وَلَهُ الْأَجْرُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّهُ نَامَ مَعَ زَوْجَتِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَائِلُ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي نوء التقرب إلى الله والمقصود الأعظم من النكاح وهو الدرية وإعفاف أنفسكم وأزواجكم فهو فله أجر من الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ومن بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الإسلام quand l'être humain prie, il est dans une adoration, il est en train d'adorer. S'il dort même avec sa femme, il est dans l'adoration. S'il a l'intention, l'intention de quoi? Et il aura la récompense en ayant assouvi son plaisir, parce que il l'a fait par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, maintenant ayez des actes avec vos épouses et cherchez ce que Allah subhanahu wa ta'ala transcrit pour vous, vous a destiné. C'est-à-dire, ayez l'intention de vous préserver du haram et en même temps ayez l'intention d'avoir une descendance et d'augmenter la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam, parce que le plus grand but, hein, du mariage, c'est d'avoir des enfants. Hein? Et c'est aussi de se préserver des tentations et de la débauche et de l'adultère. Et donc quand tu as ces intentions là, que tu veux avoir des enfants, augmenter la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam et te préserver, préserver ta femme, il est évident qu'en prenant ton plaisir, tu as la récompense min Allah. Et comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un il a l'acte avec sa femme, c'est une aumône pour lui. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, quelqu'un parmi nous, il prend son plaisir et il a une récompense. Il leur a dit, vous n'avez pas vu, s'il le fait dans le haram, dans ce qui est illicite, c'est-à-dire dans l'adultère, est-ce qu'il sera châtié? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Il a dit la même chose, quand il le fait dans le halal, ben, il a une récompense min Allah. فَإِذَا نَامَ وَاحْتَسَبَ نَوْمَهُ كَانَ فِي عِبَادَةٍ كَمَا قَالَ مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه وارضاه إِنِّي لَأَحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. Maintenant quand le musulman il dort et il a une intention dans son sommeil, allez, je dors pour avoir la force pour me réveiller à faire les prières nocturnes, hein? Ben il a la récompense, il est dans un acte d'adoration, il a une récompense. معاذ بن جبل الجي رضي الله عنه وارضاه Je comptabilise, c'est-à-dire je compte, c'est-à-dire j'ai une intention sur mon sommeil, comme je le fais quand je suis éveillé. C'est-à-dire dans ce qu'il fait, même dans son sommeil, il a une intention. L'intention pourquoi ? Pour prendre des forces, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'à la chose normale, aux choses mondaines que nous faisons, hein, qui sont tolérées, qui sont autorisées, que nous faisons ici, il y a l'intention pour se renforcer. Le fait de manger, de dormir, etc. Si on le fait pour se renforcer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la récompense derrière. Donc c'est pour ça que Mu'ad ibn Jabal, il avait une intention dans son sommeil, comme il a l'intention quand il est éveillé, pour ne pas rater les récompenses de Allah subhanahu wa ta'ala. Faïda asbaha al-muslim, fasalla al-subh. ثم خرج إلى عمله فهو في طاعة الله متلبس بعبادة لأنه خرج يسعى على رزقه ويطلبه كما أمره الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من كنت هذا المسلم Il a eu cette attention dans le sommeil. Il s'est réveillé pour les prières nocturnes. Il s'est réveillé pour faire salat al-fajr, la première prière, en groupe dans une mosquée, etc. Et après, il est parti à son travail. Il est dans une obéissance à Allah. Hein? Il est dans une adoration. Car il est sorti vers quoi ? Chercher sa subsistance comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il utilisait les moyens licites pour avoir sa subsistance, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il est dit dans le verset, c'est lui qui a fait que la terre soit stable pour vous. Marchez dessus, hein, et errez sur terre à la recherche de votre subsistance. Wa qala ta'ala fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Et il est dit dans notre verset, dans sourate al-Jumu'ah, hein, si la prière s'est terminée, errez sur terre et allez chercher votre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ka'b ibn Ajura qala marra 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun fara ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min jaladihi wa nashatihi fa qalu ya rasulallah law kana hadha fi sabilillah. Ha Ka'b ibn Ajura de nous rapporter. Une fois ils étaient autour du prophète alayhi salam, il y a un jeune fort, la barakallah, très fort, il passait devant le prophète alayhi salam. Ils ont vu sa force et sa vivacité. Ils ont dit à Rasulallah si ce jeune était sur le sentier d'Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع إيه الرسول صلى الله عليه وسلم كنت les a entendu parler d'écrire ce jeune il a dit si celui-là il est sorti pour aller chercher la subsistance à ses petits, à ses enfants en bas âge, il est sur le sentier d'Allah. Et s'il est sorti pour aller chercher la subsistance à ses parents qui sont âgés, il est fi sabilillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et s'il est sorti chercher la subsistance pour lui-même et pour ne pas demander aux autres et pour ne pas tendre la main aux autres, ben il est sur le sentier d'Allah. Et s'il est sorti par orgueil, par tentation, il est sur le sentier du shaitan, de Satan. Hein? فالإنسان أخذ الإسلام في كل حركة وكل كلمة إذا احتسب ذلك فهو في عبادة يؤدي بها حق الله. Donc l'être humain, dans chaque mouvement, s'il a une intention sur ce mouvement et qu'il attend la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans dans une adoration, contre l'acte illicite. Pas d'attention pour l'acte illicite. Hein? Il y a le châtiment derrière sur l'acte illicite. Hein? Mais donc, ce qui est autorisé et ce qui est du domaine de la vie, etc., si tu as une bonne intention, te donne comme exemple. Regarde, Anas, le serviteur du prophète, alayhi salam, une fois, ils étaient invités chez quelqu'un. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Anas. Et le repas qui a été servi, il y avait de la courgette dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il suivait la courgette dans le plat. Il l'a tiré. Anas a capté. Il a capté que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il aimait la courgette. Il a dit, depuis ce jour-là, j'ai aimé la courgette. Pourquoi il l'a aimé? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. C'est ce qui a fait dire à Imam Nawawi rahmatullah alayhi, quand il a fait l'interprétation de Sahih Muslim, un grand titre, il est préférable de manger la courgette. C'est-à-dire, il appelait les actines, c'est-à-dire toutes sortes de formes de courgettes dans lesquelles il y a autre, beaucoup d'espèces. C'est-à-dire, c'est quoi le préférable? Le préférable, quand tu le fais, tu as une récompense. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas châtié. Hein? Ça veut dire que si tu achètes ta courgette par amour, parce que le prophète alayhi salam, par amour du prophète alayhi salam, parce que le prophète il l'aimait, et tu la manges comme ça, dans cette intention, tu as une récompense. Tu te goinfres, plus de ça, tu as la récompense. Hein? Tu vois un petit peu comment la chose qui est du domaine du normal, il devient un acte d'adoration à l'islam. L'an écoute l'islam. Ida daya al-insan haqq Allah. Mada sayakounu la. Maintenant, frère en Allah, Zawajal, pour clôturer ce sujet, Inch'Allah. Sinon, le sujet il est énorme. Nos imams, vous avez les livres qu'ils ont écrits sur le monothéisme, sur le droit de Allah, sont énormes. C'est pas en trois sciences qu'on va faire le tour, etc. C'est juste un rappel. Et si maintenant on néglige le droit d'Allah et on ne l'accomplit pas, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui va nous arriver? Awalan, istahwada alayhim ash-shaytan wa abaduhu min dunillah. Quand les personnes négligent le droit d'Allah, Shaitan s'accapare d'eux, Satan s'accapare d'eux, et il l'adore en dehors d'Allah. Il ne me dit pas qu'il y a personne qui n'adore rien dans ce bas monde. Le laïc, il adore ses passions, il adore la liberté d'opinion, il adore, il n'y a personne, il y a quelque chose dans le cœur qui est réservé à l'adoration, il faut que ça se remplisse avec quelque chose. Celui qui suit ses passions, il les adore. Il n'y a personne. Personne ne peut. Il ment celui qui dit qu'il n'adore rien. Il adore son ego, son nefs, ses passions. Il n'y a pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créé pour être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette soumission, s'il n'avoue pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'avouer à autre chose. Et donc, quand les personnes n'accomplissent pas le droit de Allah, Shaitan s'accapare d'eux, et certains vont l'adorer. Qala ta'ala, alam a'ad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaitan, innahu lakum aduun mubin. Wa ni'buduni hada siratul mustaqim. Il est dit dans le verset, ne vous ai-je pas ordonné, descendant d'Adam, qu'il ne faut pas adorer Shaitan, qu'il ne faut pas adorer Satan. C'est votre ennemi déclaré, votre ennemi clair. Adorez-moi, ça c'est la voie droite. L'ordre min Allah Azza wa Jal. Abada kullun minhum hawa. L'hawa yu'bada khal islam. Et quand on n'accomplit pas le droit d'Allah, on va adorer ses passions. Les passions s'adorent, certes khal islam. La preuve. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Les passions s'adorent en dehors de Allah. Quand on n'adore pas Allah, certains vont adorer leurs passions. Il est dit dans le verset, as-tu vu celui qui a pris comme divinité ses passions? Est-ce que tu crois que beaucoup parmi eux entendent ou raisonnent? Ils sont comme les bêtes, sinon plus égarés. Ils sont plus égarés que les bêtes. Abadu dunya, abadu dirham wa dinar. Yaqul al-Mustafa alayhi salatu wassalam, ta'isa abdu dinar wa dirham wa al-qatifa wa al-khamisa in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Ou s'il lui arrive, s'il n'adore pas Allah, ils vont adorer ce bas monde. l'euro, le dirham, le riyal, le... Hein? Comme il est dit dans le verset, dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, hadith authentique chez l'imam Bukhari, hein? Malheureux celui qui adore dinar, c'est-à-dire le, qui adore les sous. Hein? Si on lui donne, il agrée. Si on lui donne pas, il n'est pas content. Hein? Fa, inshallah, naqif 'inda hadha al-had. On arrête là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu ilaykum, jazakum Allahu khairan.